Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Ah oui, oh bonjour. Bonjour, bonsoir. Je peux pas vous dire mieux, Adrien, je peux dire mieux? Je pense. Ah bah j'ai rien. Bonjour, bonsoir ouais, non, et bienvenue. Moi non plus, il est tôt en même bah, temps. En même temps, dans ce nouvel épisode du Floodcast, un épisode un peu particulier parce que là, pour le moment, nous ne sommes que trois. Nous ne sommes que trois, ouais. Les zigotos, c'est ouais. Parti. Place au rock and roll. Mais il y a une aura, il y a une aura. Il y a déjà une aura, vous avez peut-être reconnu ça. Il y a une aura, il y a voix. Un cercle de bénédiction qui a été tracé au sol. Les dagues sont affûtées, les amulettes sont sur la table. Le grand retour de Druide Marmaille. Alors bah justement, voilà, notre invité, il possède bien des noms selon les légendes celtiques qui dépeignent ses aventures. Un enchanteur pour ceux qui y croient, un hérétique pour ceux qui l'effraient. Ici dans le podcast, on l'appelle simplement l'apothicaire. Collectionneur d'amulettes, druide professionnel et accessoirement comédien qu'on a pu voir chez Pierre Salvadori, Audrey Diwan, Catherine Corsini, Alain Chabat ou encore Quentin Dupieux. Il sera à l'affiche de l'attachement de Karine Tardieu ce mercredi ainsi que dans la forêt de Brocéliande en train de préparer une excellente potion. C'est Pio Marmaille. Oui. Messieurs, dames. 5 d'attaque, 7 de défense, sortez les dés. Comment ça va Pio? Je pète le feu, j'ai une super énergie, j'ai une pêche d'enfer. Mais ça se voit et ça fait très plaisir, on est trop content de te re-recevoir. Pareil, ouais, ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai fin de la réponse. Alors tu vas pas être seul, on va être également accompagné de Vima Laponce qui joue également dans le film, qui a un petit problème de retard. Écoutez, est-ce qu'on va lui jeter la pierre? Écoutez, ce n'est pas à moi de décider. Là, je parle uniquement des convenances. Je trouve ça un poil limite, mais on n'a pas le choix. On s'adapte aussi. On fait comme on peut. On l'attend. Elle va pas tarder. Tu me disais en antenne, c'est aussi ça le cinoche. Ouais, le cinoche, c'est aussi du mépris. C'est aussi arriver en retard et un petit peu aussi, voilà, imposer son rythme à des gens qui ont qu'une envie, c'est j'ai joué la gagne. Et là, on se le prend en pleine gueule. Moi, c'est voilà. Mais essayons de faire en sorte que ça passe crème. Ça va passer crème. Elle sera très à l'aise. On va faire ça bien. Mais du coup, on ne va pas l'attendre. Et tout de suite, je lance le jeu du Floodcast, oh Adrien. Mais oui. Il y a pas le temps. En Croatie. Un maire, eh oui, eh ben oui. L'enchaînement est vraiment à l'ori. Ah ouais, non, ouais, ah ben tu m'as dit que t'étais prêt. Alors, je suis prêt. C'est Space Mountain, attention. Un maire a été arrêté. Et toi aussi, t'es en forme. Mais où on est bien? Qu'est-ce que t'as? Il y a que moi qui suis pas. Bah, je sais pas. On est allé courir avec Pio là pendant une heure. Ouais, bah alors, moi, j'ai du sommeil en retard, moi. Je suis. Ah merde. Là, il y avait du retard sur le métro, ça m'a énervé. Oh mon pauvre. J'avais un adolescent allemand vraiment à 3. J'ai voulu t'envoyer une photo pour te dire est-ce qu'il est trop près? J'arrive pas à savoir. La photo ne rendait rien tellement il était prêt. C'était juste un carré gris, ça, donc ça m'a voilà, un petit peu énervé, mais j'imagine. Je vais voilà. Mais regarde, on est là, regarde. Non mais ça va venir. C'est comme la dernière fois. Je vais au début, je suis un peu un petit diesel. Est-ce que t'es un petit diesel? Je sais plus à ce stade. Mais ça va venir doucement. Voilà, petite réponse, vas-y. En Croatie. Eh ben oui, un maire. Des steaks gros comme la Croatie. Tony bien Parker. Sûr, Tony Parker, Booba, évidemment. Ouais. Un maire a été arrêté pour avoir détourné de l'argent public. À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Non, comment? Pourquoi? Alors c'est très clair le comment. Afin de souffrir quoi? Qui s'est fait arrêter, tu veux dire? Non, afin de souffrir quoi? Pourquoi? Dans quel but? Alors, soit je réponds à cette question, soit je réponds à une question imaginaire que je viens d'inventer. Je préfère l'option 2. On préfère l'option 2. Alors l'option imaginaire, moi c'était voilà une sculpture à mon effigie en chorizo que je voulais installer dans un musée imaginaire, mais je vais tout simplement prendre le temps de répondre à votre question. Et à mon avis, il s'est fait arrêter, parce que je pensais à ça, en venant tout à l'heure aussi, pareil, je voulais rebondir sur ce que tu disais, mais revenons à cette histoire de mairie. Et de Croatie. Non, je pense que c'est un truc personnel, par exemple, une envie de se construire un truc. Alors, je connais pas bien les Croates, hein, je connais pas comment ils fonctionnent, j'ai pas envie de me mettre des gens à dos, encore une fois. Est-ce que vous voulez s'acheter des cartes Pokémon? Pas de cartes Pokémon, pas de construction. Non, non, non. Quelque chose d'un peu ridicule? Alors. Peut-être que c'est une opération sur lui-même, sur son corps. Ah, genre chirurgical, par exemple? Non. Est-ce que c'est pour s'acheter un truc à lui-même? Alors pour lui, justement, faire un cadeau. L'enquête est en train de d'essayer de voir si c'était d'accord. Pour lui ou pour des gens ou pour acheter peut-être des ministres, des choses comme ça. Tu sais, tout ça, c'est donc, ils savent pas, politico donc, et compagnie. Si les flics savent pas, comment on va répondre nous? Non. On sait. La police est en train de voir pourquoi il a détourné cet argent. C'est la question. Et il nous demande de l'aide. C'est tout le but de cette émission. Et ben justement, les voici. trois croates. Les flics, ils ont dit, bah, écoutez, devinez, et puis bah, on prendra la réponse qui nous plaît. Non, on sait ce qu'il a acheté avec cet argent détourné, mais on ne sait pas si c'était pour lui ou pour faire des pots de vin. Tu sais, tout ça, c'est la politique. Et comme tu l'as dit en antenne. C'est de la bouffe. C'est de la bouffe. C'est de la bouffe. Ah, putain, tu vois comme ça, pardon, j'ai dit un gros mot. On parlait de chorizo. Alors, attendez. On parlait de chorizo. Attendez, c'est de la nourriture. Est-ce que ce serait pas dans le cadre d'un banquet? D'un immense banquet? Alors, justement, c'est un vrai banquet, pas un banquet imaginaire. Non. Pas comme dans Hook, le film. Exactement. Oh là là, mais t'es fou de Sinatra. Je suis fou de Sinatra. Comment il s'appelait déjà le. Rufio. Rufio. Mais bien sûr. Fantastique. Des larmes. Attends, on s'est encore éloigné et. Non, mais alors là, quand même de faire les choses. Pas, oh, on est t'es à la maison, hein, tu le sais. Hein. Rufio. Alors, attendez, donc dans le cadre d'un banquet, il se serait offert un banquet pour son propre mariage. Oui. Alors justement, comme je vous l'ai dit, ça, on sait pas, on sait juste ce qu'il a acheté. Énormément de bouffe. Énormément de un aliment en particulier. Des M&M's. Même 1,5 tonnes, je peux vous le dire. Waouh. Alors pas de M&M's. C'est de la junk food. Des wings. Non. Dis-moi que c'est des wings. Ce ne sont pas des wings. Ça, ça m'aurait. C'est de la nourriture un petit peu. Je pense que ça peut te plaire. C'est sophistiqué. C'est pas sophistiqué. Non, c'est peut-être. C'est la bouffe de tous les jours. Oui, ouais. des sandwichs. Pas du pain, pas des sandwichs. Du jambon. Pas du jambon, mais c'est de la viande. On s'approche. Ah, c'est les animaux vivants qu'il aurait ensuite embroché pour les faire cuire. Alors non, d'une certaine manière, mais c'est un aliment particulier. On va trouver la viande. Poulet. Pas poulet. Porc. Porc. Porc. Du bacon. Pas du bacon. Côtelette. Pas du côtelette. Ribs. Des ribs. Pas des ribs. Une tonne 5 de ribs. Non, pas des ribs, mais attends. Alors ça peut être du sauciflard. Non, le visage, le visage du porc. Le visage du porc. Toi, le visage de porc. Attends, le visage de porc, c'est le long métrage que je suis en train d'écrire en ce moment. Ça. Le visage du porc. Non, ça a été dit. C'est saucisse. Une tonne 5 de saucisses. On parle de détournement de saucisses. Ça, c'est mon album de rap. C'est une mixtape, détournement de saucisses. C'est le titre de l'épisode aussi. Il aurait détourné une tonne 5 de saucisses de porc. D'argent pour s'acheter une tonne 5. Non, non, là, on parle, oui, de fonds publics pour financer l'achat de 1,5 tonnes. En plus, de c'est un crime très peu discret. Alors quoi. C'est des saucisses sèches, attention, c'est vrai que je me suis un petit peu éloigné. Oui, on appelle sinon, ça des très mal. On appelle ça des culennes même en Croatie, c'est un plat typique de là-bas. Est-ce que c'est des saucisses grosses comme la Croatie ou Non, c'est que des steaks. Est-ce qu'il a été écroué? Est-ce qu'il est juste mis en examen? Alors, il est mis en examen. Il a détourné l'argent, ça c'est avéré. Ça reste à la police de prouver que c'est une tonne 5 de saucisses de porc sèche qui appartiennent et qu'effectivement c'est parti d'un tourment. Et attention, qui a mis ça chez moi? Ce n'est pas à nous de trancher. Nous ne sommes pas les juges, nous ne sommes pas les bourreaux. Ni lui-même avec sa saucisse. Il va trancher, j'imagine. Bah, j'imagine pour se nourrir avec. Au moins pour voter. C'est un ancien député maire croate et son boucher. Le boucher est tombé aussi. C'est-à-dire que c'est une association de malfaiteurs. Eh ben oui. Mais le boucher est tombé aussi, c'est un polar des années 50. Le boucher est tombé aussi. Ils ont été arrêtés ce jeudi 6 février. Je vais deux... faire que des remarques à base de c'est un titre de quelque chose apparemment. Mais ça me va, moi ça c'est sera ma seule bien. Intervention. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics pour financer l'achat de 1,5 tonnes, donc de saucisses. Les culennes, une saucisse sèche très proche, très populaire pardon, dans les Balkans. Davor Miljevic, qui fut aussi député, la droite conservatrice croate. En plus, conservateur. Il n'y a pas de politique autour de cette affaire. Non, mais j'aimerais qu'on reste évasif. C'est vrai, t'as bien raison. Politique, place sur le fun, uniquement le fun. On veut du rire. Aurait puisé dans le budget de la ville pendant 3 ans pour acheter ses saucisses. Il a fait ça bien. Ah oui, il a pas acheté d'un coup. Non mais attendez, s'il avait acheté. C'est des petits sachets de 5 kilos qui se stockent, qui se stockent. Et à la finale, ça fait quand même une tonne 5. Je pense même qu'on lui a dit une tonne 5, il a fait ah ouais, quand même, j'ai été. Ah, j'ai bien géré quand même. Ah, j'ai été très loin. Il était un peu fier, il a fait. Avouez pas mal, il a dit. Bon, vous m'arrêtez, mais quand même, vous êtes impressionné. On ignore encore si le maire à la tête de la ville de 2009 à 2021 a gardé les saucisses pour son usage personnel ou si. Honnêtement, j'espère. Le mec. Si tu as un immense congélateur, il faut l'imaginer dans l'espace. C'est 80% de ta baraque qui serait en congélateur. Oui, tu peux le garder. Après, mais attends, ça va au congélateur la saucisse sèche? Bien sûr que ça va. Tout va au congélateur. C'est vrai, oui, mais. Je dis là d'où je viens, je vais dire entre les grottes et les si tu veux. Après toi tu fais un sort de congélation évidemment, oui, ça n'a rien à voir. C'est un cercle de froid, un cône de froid que je protection. Que j'invoque. J'annonce cône de froid. Oui, ou certains médias affirment qu'il aurait sûrement utilisé ses culennes pour acheter des ministres et des agences gouvernementales. Bah, imagine, il vient, il t'offre des saucisses, t'as envie de l'aider, tu vois. Ça fait maintenant 20 minutes qu'on est sur cette histoire de saucisses volées. Ouais. J'en ai encore 20. Hein, Attendez. Oh, regardez, l'arrivée de Pounsy. Bravo. Installe-toi, Pounsy. Comment vas-tu? Super bien. Installe-toi. Bienvenue Vimala. Vima La Ponce nous a rejoint. Elle a raté cette horrible histoire de saucisse. Terrible. Tu as la forme? Je la connais déjà. On parlait d'un maire croate qui aurait détourné 1,5 tonne de saucisse. Dans le cadre de l'argent pour s'acheter une tonne de d'argent public pour s'acheter des saucisses. Putain, la vache, vous êtes sur le sujet du film du coup. Pile dedans. Bonjour Vera, comment vas-tu? Quand même, on va t'accueillir un petit peu. Tu veux un café? Oui, je veux un café. On n'est pas en direct, hein, tu sais, on peut faire une mini pause. Je vais faire, vas-y, fais cours le allongé. Présentation. Allongé avec deux sucres. Très bien, alors s'il j'ai pas plaît. De décarré de sucre, donc faut. Tu juges en poudre. Alors attention, ça c'est le son que je vais essayer d'imposer sur toute l'émission à venir. Le son de la bécane, la grosse bec-bec, le cassinard. Qui part en rupteur. Oh waouh, je voulais voir le jeu de mots sur le. Parce qu'il faut. Monoprix, il y a toujours des jeux de mots, ouais. Vas-y. Et là c'est dessert réussi à coup sucre. Oh, oh. Pio ça l'accueille. T'es fan de Crazy Frog aussi, hein, comme moi. Ouais, moi, bien sûr, j'ai un enfant en bas âge. Ouh, il me rend dingue. Ça c'est ta pièce de théâtre. J'en peux plus, j'en ai la tête grosse comme ça. Alors j'ai une question pour vous. Alors j'avais une question. Quelle est? Tu vas voir. On est très proche du sujet du film. Quel est ton rapport à la saucisse? On est pas loin. Quel est pour vous, parce que je savais qu'on recevait Pio, l'apéro parfait? Je veux l'apéro parfait. Alors attends, c'est en termes de bouffe, ou c'est vraiment. Non, c'est une question ouverte. Là, c'est pour dire qu'il est surpris par la question. Parce qu'il dit attends, bah c'est. Alors, Imala, déjà, que tu viens d'arriver, qu'est-ce que t'en. Qu'est-ce que serait quoi pour toi l'apéro parfait? L'apéro. Mais regarde pas, c'est pas moi qui pose. Moi, ce que j'aime bien, c'est les saucisses. Pour rester dans le thème, les petites knackies. Ouais. Qui sont découpés, on fait des petits bouts comme des petits doigts d'enfant. Bien là, sûr. Tu les prends, tu leur tailles l'arrière du fion. Je vois. Bien sûr. Tentacule. Oui, okay. Pour faire parce les. Que, oui. Voilà, est-ce que vous avez vu cette émission japonaise d'une vieille dame qui cuisine avec un chien? Non. Moi, j'ai. Bien sûr que je l'ai vu. Qui ne l'a pas vu? En compagnie d'un chien. Ouais, elle cuisine avec un petit caniche comme ça, hyper bien coiffé. Et elle a fait ces petits trucs qui font comme des petites pieuvres. En fait, et tu leur mets des petits trucs de poivre comme ça, ça fait des petits. Oui, pour faire les yeux. Bien sûr, bien sûr. Ah oui. Moi, j'ai pensé immédiatement à ça. Il y a ça aussi où tu peux planter des spaghettis dans le cul des saucisses, tu les fais cuire, et après les spaghettis quand ils sont cuits, ça fait des tentacules, ça fait plus des méduses. Des méduses, ouais. Voilà, ouais. Ça me permet de. T'as agrémenté. T'as eu raison. Non, mais je. T'as agrémenté l'anecdote. Bah attends. Marry me right now. Écoutez, moi j'aurais envie de parler plutôt d'amitié. C'est pas vraiment c'est pas ce que je vais m'envoyer dans le gosselard. T'as pas pensé à la bouffe tout de suite. Toi, t'as pensé moi, c'est à l'entourage. Amitié, ouais, entourage. De toute façon, moi je suis très mine saucisse. D'ailleurs, on en a pas mal mangé ensemble avec Vimala. Mais c'est vrai que moi je suis plus. Moi, tant que je suis avec des bons copains, un parking, un pack, un bon six pack, un sous-sol, des copains, un peu de techno. Moi, ça me va très bien. Et si la techno est absente, par contre. Un peu plus raide, ouais. Et on s'adapte. Après, il y a toujours. Chez Did, sinon. Il y a toujours France Inter. Un petit Vianney, mais c'est pas pareil. Adrien vegan, quelles sont les. Oui. Peut-être les petites choses que tu peux offrir au monde, tu vois. Bah, énormément. Non, si, bah, moi, le houmous, c'est un peu. Enfin, évidemment, la compagnie qui prime, évidemment. Ouais. Mais le houmous, quand même. Le houmous, quand même. Je me barre s'il n'y a pas de houmous, quand même. Quels que soient les gens présents. Non, le houmous, le guac, les artichauts marinés. Le guacam, les artiches maris, les artemars. Non, les olives vertes, bien sûr, à l'ail. Ah, je déteste les olives, moi. Mais va te faire foutre, en fait. Franchement, tu piétines pas mon bonheur comme ça. Je vais ouvrir la bouche et tu vas me cracher dedans, tu m'entends? C'est juste que je mérite une olive dedans et tu vas te régaler, surtout. Allez, pardon. Attendez, il y a plus un sort d'apaisement. Un sort d'apaisement. Il y a plus je jette les dés. Ok, je touche à plus de 5, j'ai un 6. C'est mon toucher. Ok, c'est bon, je suis apaisé. J'en avais grand besoin. Oui, tu savais que Pio était druide, Vimala. Foi de morue. Bien sûr, évidemment. Tu savais que j'étais druide. Oui, je sais. Oui, bien sûr. Voilà. Qui ne le sait pas. Druide Marmaille. Mio. Alchimiste. Ouais. Alchimiste. Ah, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ah oui, l'alchimiste. À la recherche de la pierre philosophale. Encore un bon titre de film. Ça. Ouais. Ou une petite BD. Une petite BD qui sort bientôt. Relation érotique. À la recherche de la pierre philosophale. De Karine Tardieu. Carlos Alfaro a remporté une bataille judiciaire contre l'entreprise de jeux vidéo Nintendo. À votre avis, quel était le litige? Ancien champion de tennis, on lui a piqué son blaze. Mais tu sais quoi? T'es pas si loin. Il y a son nom dans un jeu. Alors, Carlos Alfaro, c'est pas un ancien joueur de tennis, en vrai. Arrêtez, moi je l'achète. Non, mais si, bien sûr. Il y avait pas sa gueule dans un jeu, genre. Alors, c'est pas son visage. En vrai, Pio était pas si loin. Son nom? Il y a un truc de nom. Il y a une usurpation de nom. Alfaros. Alors, attends, non, est-ce que ce serait pas une marque, est-ce que ce serait pas une marque de voiture imaginaire? Alors, une Alfa Rose. Non, mais je pense à ça. Ah, c'est vrai. Totalement. Alors, c'est une pas Alfa une... Romeo finalement. Mais effectivement, c'est pas un nom, mais c'est une marque. Donc, c'est pas une marque de voiture imaginaire. Et dans le jeu, il y a un truc qui s'appelle Alfaro? Non. Carlos? Ça n'a rien à voir avec son nom. Oubliez Carlos Alfaro, c'est une le fragrance. Non, non, mais dans le jeu. Non, mais une fragrance. Tu vois, Carlos Alfaro. Faut avoir le Carlos Alfaro. Fragrance. Paris. Non, Madrid. Madrid Fragrance. Non, c'est effectivement c'est le blaze d'un, d'une entreprise, d'une société qui appartient, enfin où Carlos Alfaro est le patron. Ah d'accord. Et il y a et c'est une marque dans un jeu. Et en fait, c'est Nintendo qui l'a attaqué. Pour vous donner un petit indice. Ah. C'est Nintendo qui a attaqué Carlos. Ah, il a appelé sa boîte Animal Crossing ou un truc comme ça quoi. Zelda. Alors, on est presque. C'est ça, mais il y a une petite subtilité que je vais vous donner parce qu'en vrai c'est ça. Ah. En gros, attends. Vas-y. Oula. Le nom de sa boîte, c'est également un jeu Nintendo ou un truc qui appartient à Nintendo. Mmh. Mais lui dit, bah oui, mais c'est le nom de ma grand-mère ou un truc comme ça. Et voilà. Du coup. Ça, vous voyez ça? Ça, c'est dans le mille, ça. Et ça me plaît beaucoup. C'est même plus que ça. C'était avant. Mais... Je suis je suis pas druide, mais je toi t'es mage, t'es un mage. Tu voilà. Là, tu vois un peu dans le turfu. Télépathique. En gros, Nintendo lui a fait un procès pour qu'il change le nom de son épicerie. Il y a un an, Nintendo a tenté de forcer. Attends, pardon, on peut s'arrêter là-dessus. Oui, bien sûr. Nintendo s'est senti menacé par une épicerie, quoi. Oui. Une épicerie espagnole. Avec d'un simple mec qui fabriquait des fragrances. Des parfums. Tous à Madrid, qui revendait sous le. Je me démerde pour monto, sous le mantelard. Il fait ce qu'il peut. Pour mettre du beurre dans les épinards. Mais ça va pas en fur. J'ai une Cologne. Non, mais vous savez, alors si vous étiez un peu proche du monde du jeu vidéo, Nintendo, c'est une société qui attaque beaucoup. Oui, oui, mais une épicerie, je pensais pas, quoi. Mais alors là, c'est pire, parce que c'est une épicerie qui s'appelait Super Mario. Donc bon, il cherche un peu. Mais c'est le nom de son père. Et c'est le nom de son grand-père. Ah, et ça s'appelait Super Mario avant la sortie du jeu. Et pourtant, vrai, il l'a prouvé ça. Il l'a prouvé. C'est fort. C'est fort. Et du donc, coup, il a qui a gagné? Lui. Bah lui. Mais lui, il a gagné. Moi, je j'aurais demandé à Mia. Du coup, le jeu ne s'appelle plus Super Mario. Oui. Super. Vous l'appelez Carrefour Market, le jeu. Le jeu s'appelle Mario tout venant. Il s'appelle Mario, voilà, banal. Fragrance. En même temps, il y a une épicerie rue de la Villette qui s'appelle Momo Prix. Oui. D'après Monoprix. Ouais. Et Monoprix a attaqué Momo. Ah ouais. C'est et Momo vrai. A dû changer le nom de Momoprix. Non, ça j'aime pas. C'est pas ça me fait penser à cette histoire. Ouais, mais il y a Momo le moins cher aussi, mais ça a rien à voir. C'est quoi Momo le moins cher? C'est aussi une épicerie qui s'appelle Momo le moins cher. Il y a une boucherie aussi pas loin de là où j'habitais avant qui s'appelle Viande à Gogo. Non, fin de l'anecdote. Ne détruis pas mon rêve, ne piétine pas mon bonheur, toi aussi. Ok, pardon. Oui, par donc c'est pas un parfum. Et donc, stop. Il n'y a aucune écoute autour de cette table. Et c'est quoi? Et si on allait juste dans la même direction, parce que là, c'est quatre esprits démoniaques qui s'affrontent, qui ne s'écoutent pas. Chaotique, bon. Pose ses grosses couilles de Noël sur la table. Allez, les grosses couilles de Noël. Un bon titre d'épisode aussi. Ça, c'est mon film, mais qui a pas pris pour le coup. Ouais, de Karine Tardieu, la grosse couille de Noël. Sauf que, alors, donc oui, Nintendo avait déposé Super Mario dans le monde entier, mais c'est le registre national du Costa Rica, donc c'est pas en Espagne, c'est au Costa Rica, qui a statué en faveur de l'entreprise locale grâce à une faille lui permettant de conserver son nom, car Nintendo avait déposé la marque sur plein de trucs, jeux vidéo, vêtements, articles scolaires ou jouets, mais pas les épiceries. Ils n'avaient pas spécifié les épiceries dans le contrat. L'avocat a merdé, quoi. L'avocat a dû de... se faire taper sur les doigts, si vous voulez mon avis. Et donc voilà. Et en plus, bon, voilà, c'était le fils du fondateur Mario Alfaro. Donc voilà, Super Mario en hommage attends, à son. Attends, le petit-fils. Le fils, je me suis trompé tout à l'heure. Le fils du fondateur. Attends, c'était son père. C'était d'accord. Son père Mario. Il a gagné combien d'argent? Bah en fait, ou juste le droit de. Je sais pas s'il a gagné de l'argent, puisqu'en vérité, c'est ils Nintendo qui l'a. Des frais d'avocat. J'imagine. J'imagine. Mais j'y connais rien. Je connais pas la justice au Costa Rica. Je sais pas comment ça fonctionne. Alors que Pio en est expert, je le sais. Mais... si vous voulez vraiment qu'on passe, qu'on part, si vous, tout ce qui est judiciaire, moi j'en connais rien. Pour plein de raisons, j'ai un passé qui est un peu tumultueux. Ça c'est clair et net, tout le monde le sait. Avant de devenir druide, bon voilà, deux, trois coups de chasse qui sont partis. Mais encore une fois, les autoradios, c'était moi. On l'appelait. Le reste, certainement pas. On l'appelait le renégat, le rebelle. Voilà. Alors la loi parmi les hors la loi. European Renegades. Il traînait du côté du doux. Ok pour les autoradios, madame le juge. Est-ce que ça game autour de la table? Est-ce que ça joue aux jeux vidéo? Vimala, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Est-ce que tu as joué aux jeux vidéo? J'ai joué, ouais. Ah oui? J'ai joué à la Game Boy. Hein. Très Prince Game Boy. Of Persia. Oh. Ouais, c'était. Pierre Tchernia, t'as joué à Pierre Tchernia, le jeu vidéo. J'ai joué à Pierre Tchernia. Bon, bah, c'est le titre, Prince of Pierre Tchernia. Oh, putain. Oh Ah, oui. C'est très drôle. Là, c'est la croisée de mes deux mondes là. Prince of Persia, Chernia, c'est parfait quoi. Donc un peu PS du coup, un peu PlayStation, c'était non Game Boy. Mais Prince of Persia c'était sur Alors Prince of Persia c'était même sur Apple 2, mon pote. Moi j'y jouais sur Apple. T'es pas obligé de me lancer des mon pote. Non mais pour dire que c'est très très vieux. D'accord, je savais pas. C'est très vieux. Sonic et sur Game Boy je jouais à Mario Bros. Bien sûr. Et surtout au jeu Super de Mario F1. Land. Ah oui, le jeu de F1, bien sûr. C'est toujours Mansell, un pilote anglais. Oh d'accord, pas mal. Pio, est-ce que je joue aux jeux vidéo? J'ai joué un peu. Oh là là. Pas trop, toi t'es plus fort. T'arrêtes de rigoler, Pio, concentre-toi. J'ai joué un petit peu aux jeux vidéo, j'ai joué à Metal Gear Solid. Bien sûr, le carton. Le carton, j'avais inversé la manette quand je me faisais attaquer par celui-ci qui voyait dans l'esprit maléfique de mon personnage. Oh. Et j'ai joué aussi un peu à la Game Boy aussi. Ouais. Je sais, bon, ça va très vite ce matin, je suis en pleine forme. Et j'ai joué aussi peut-être à la Game Boy aussi, en effet, ouais. Mais oui. Et à la Game Boy aussi ou... À la Game Boy, Prince of Persia. Chernia, classique. Aussi, bah, qui n'y a pas joué? Non, tout le monde. Mais après, plus du tout maintenant. Non, t'as complètement arrêté. Chronophage, beaucoup trop. C'est toujours un truc où, d'un moment, t'es obligé de faire des choix sur ce que tu fais plus. Et moi, pareil, les jeux vidéo, ça a sauté aussi de mon côté. Ouais, c'est là où je me dis que j'ai peut-être mal géré ma vie, parce que moi, je fais toujours exactement tout ce que je faisais quand j'étais ado, sans problème. Donc, j'ai dû négliger des trucs vraiment très importants. Ça n'a pas bougé. Ça va me retomber un jour en plein visage. Sur le coin du nez. Un combattant de MMA a du mal à être pris au sérieux dans son sport, à votre avis, pour quelle raison? Sa voix. Pas sa voix. Son nom. C'est son nom. Super Mario. Non, c'est pas Mario. Ça s'appelle Zelda. Pierre Perchia. Prince ouais. Perchia. Son Perchias. Nom. Non, parce que attends, là c'est. Il s'appelle là, Yoshi. Il s'appelle pas. Alors, on peut sortir du monde de Mario. Kirby. Voilà, après c'est tout. Je cherche Kirby. Ok, non. Mais c'est son nom. Il a un nom. Qui prête à. Attends, est-ce qu'il a un nom de meuble, un nom de. Non, mais je sais pas, c'est parce que. Bon, après, attends. Daniel Auteuil. And right now, François Cluzet. Enfin, tu fous un poing dans la gueule, tu rigoles quoi. Alors, en vérité, c'est un autre nom de quelqu'un de connu. Et c'est pour ça qu'il a du mal à se faire Donald respecter. Trump. Pas Donald Trump. Ah putain, mais je crois que je l'ai vu passer. Oh là là, mais baisse cette main, je t'en supplie. Bah, je suis combattant. Ah, ouais. C'est ma garde en fait. C'est je peux donner un avis, c'est dans le monde de la chanson. Attends, est-ce que pas c'est Prince, juste Prince Pierre Chien. Non mais c'est un nom féminin ou masculin? Féminin, c'est aussi ce qui prête à se faire moquer. Il s'appelle Cardi B. Non, est-ce que ce serait pas Julien Clerc? Non. Kim Wilde. Non, c'est un nom féminin. Est-ce que ce serait pas Tina Turner? Non. C'est un peu plus récent. Attends, Vous l'avez pas vu mais ça l'a rendu fou. Il vient de mettre une droite à mon chat. On est donc c'est un nom sur un sexe. C'est exactement tout à fait. Ouais. Tout à fait. Épicène. Ouais, comme Stéphane Audran. Exact. Ah bon. Oui. Ah oui. Attends, oui, bien sûr. Mais attends, je l'ai. Donc c'est un prénom. Donc c'est. On parle d'une très grosse vedette. Terry quelque chose. Non, mais. Et j'ai... c'est un vrai nom, c'est pas un pseudo. Toi, c'est son vrai nom. Non, non, mais de la chanteuse. Oui, c'est son vrai. Taylor. Taylor Swift. Il l'a eu. Il gagne la voiture. On peut l'appeler. Yo. Non. Gagne la moto. La séducteur. Ok. Il s'appelle Taylor Swift. Il a même songé à changer de son nom, évidemment, pour se détacher de la célèbre chanteuse américaine. Mais aujourd'hui, il pense plutôt se servir de l'autorité de l'artiste pour faire parler de lui, ce qui est, je pense, pas une très bonne idée. Non. Selon The Sun, le combattant a même récupéré des followers sur les réseaux grâce à elle. Parce que j'en se trompe, tu vois, il pense. Que c'est la chanteuse et donc il la suit elle sur Insta pour se tromper. Mais après entre il un... quand même se douter rapidement que le flux de photo n'est pas le même. Quand tu te mets sur la tronche avec des mecs dans une cage, tu ne chantes pas au Super Bowl quoi. Enfin, je suis Taylor Swift, elle est vraiment fan de MMA, elle arrête pas de poster que des vidéos. Pourquoi elle pose ses photos de ces mecs qui se met sur la gueule dans les cages, je comprends pas. Écoute, pourquoi pas, je m'abonne. Je partage ses passions, je l'empower. Est-ce que vous arrivez à. Taylor Swift est une énorme vedette. Beaucoup chez les jeunes. Est-ce que vous arrivez à rester un peu connecté à ce qui se fait justement, les nouveautés, les chansons? Un petit peu insultant comme question, mais on va. Sous-entendu, c'est déjà comme deux gros ringards. Alors les deux ringards, est-ce que vous restez un peu dans le coup? Je vais vous dire des trucs. Faut que vous me disiez. Alors quoi, Koubé? Ça veut dire quoi, Koubé? Le dame. Oui, moi j'ai. Attends, déjà quand tu commences à répondre comme ça. Oui, bien sûr. J'essaie de maintenir la barque à flot. J'étais au salon de l'IA là. Waouh, ça va tellement vite ces histoires. À ce rythme-là, mais comment est-ce qu'on va tenir la baraque, hein? Bah, vous avez vu ChatGPT là? Ah, moi j'ai l'abonnement payant de ChatGPT, je simule beaucoup d'images. Ah, oui, c'est vrai. Mais j'ai un accent depuis le début là, non? Ouais, c'est pas c'est très bizarre, c'est ton influence, je crois. L'influence de Strasbourg. On a plus de flic. C'est vrai. J'essaie. Non, mais attendez, merde, non, mais je sais pas. Mais... Non, mais je sais pas, est-ce que tu écoutes un petit peu des choses qui se font ou pas? Est-ce que déjà, tu travailles là-dessus? Non, c'est pas grave, non, ça vient à moi, ça vient à moi. Si je suis vraiment honnête, j'ai l'impression que je suis plus arrêté sur le quai et je vois le train qui passe. Et c'est pas grave, c'est j'essaie bien. De maintenir, mais à chaque fois, je me dis, est-ce que mon muscle Blade. De bras va tenir? Parce que oui. Le train passe quand même très vite. Il va sur Blade. De perdre. Pardon? Blade, le film, tu l'as vu ou pas? Oui, avec Wesley Snipes. Parce qu'à un moment, il y a ça, il y a le métro qui passe et il le chope. Excuse-moi, si avoir vu Blade, c'est dans le coup, ouais, mon pote. Ouais, mon pote, je suis dans la matrice. Ah ouais, je suis dans la matrice, c'est pas qu'un peu. Pas du tout. Malheureusement, vraiment pas. Quelle idée quand même de se faire attaquer par des vampires. Si ça c'est pas cool. Oui. Excuse-moi, t'as vu Blade? Le journaliste. Ça vous me direz si Combini vous la pose celle-là. Vous avez vu Blade? Ouais, c'est bon, c'est pas non plus Albert Londres, hein, Combini, on en est pas loin. Les réseaux sociaux par exemple, c'est un truc que vous restez un peu ou ça vous intéresse? Ouais. Mais depuis 2 ans. Ouais. Même pas. Et tu kiffes? Moi j'adore parce que je regarde beaucoup d'artistes. Oui. Et je dialogue avec eux alors que j'aurais pas pu parce que parfois ils sont en Suède. Oui. Oui. Voilà, et qu'il y a une petite route. Voilà. Et... évidemment. Et ça j'aime bien. Mais oui. Mon feed est bourré de, comme tout le monde, d'animaux. Bien sûr. Et d'artistes. Et moi j'ai une utilité. Je sens que personne, tout le monde s'en fout un peu de ce que je vais pas dire. Du pas tout. Du alors, tout. Regarde, genou, une petite serviette autour de mon cou, je suis prêt à me régaler. Non, vraiment. Je te permets pas du tout. Je vais t'appliquer. On le gardera ou pas. Mais moi, oui, effectivement, pareil, je prends contact avec des artistes. C'est totalement. Après, si c'est pour répéter ce qu'elle a dit, non, mais je me fais aspirer par l'algorithme complètement claqué que j'ai. Oh, en fait, méfiez-vous de ça. Il faut pas. Ouais, parce qu'en fait, il très rapidement. Sol, ah, le mien, il est caché. Ouais, je l'ai vu. Il est possédé par un truc, je sais pas. Et j'essaie de. Je ne sais pas comment en défaire. Mais il est vraiment. Il m'envoie des trucs. Enfin. Je sais. Mais voilà. Tes amulettes, cette réponse qui n'a aucun intérêt. Oh, si, elle est bien. Tes amulettes n'ont aucun effet sur le cyber. Le problème, c'est la vitre. Oh là là. Avanti. Eh ben écoute-moi bien, parce qu'on parlait, de Blade. Un homme a été arrêté lors d'un trajet de TGV en Allemagne. À votre avis, qu'a-t-il fait? Il a sauté. Non, il combattait des vampires. Non, coup, mais non. Il a fuité simplement. Attends, quoi? Répète, j'ai pas écouté. Un homme a été arrêté lors d'un trajet de TGV en Allemagne. À votre avis, qu'a-t-il fait pour mériter d'être arrêté? Il était monté en cours de route tel Blade. C'est tenu au bar à l'extérieur du TGV. Ah, okay. Donc bah, c'est complètement c'est fou. Tu parlais de ça, donc je suis obligé de le dire. C'est Mio qui. Est-ce que tu penses qu'il s'est attaché avant que le bazar démarre, ou est-ce qu'à l'inverse il y avait un système de poulie rétractable qui fait mais avec un immense fil, bien sûr. Qui a fait que le truc passant à 300, paf. Tu vois, ça décélère. Je vais tout te raconter. C'est une histoire. Moi, j'aime autant que ce soit ça la vérité. Ça sera moins bien, je préfère vous le dire. Okay. Ce sera évidemment moins bien. Faut quand même dire qu'il a été accroché à la TGV pendant 30 km à 282 km/h. Mais non. Donc c'est quand même pas mal. Mais avec une sangle à cliquer? Avec ses deux simples bras. Joli. J'aime bien la précision de la sangle à cliquer, moi. Avec deux simples bras. Tout simplement. Comment ça, deux simples bras? La force mentale. Bah, après... mais non. Quand il se frappe avec son visage sur la vitrine, pour la vitrine. Oui, mais arrêtez le truc. Et, mais tout... C'est pas possible. Et tout le monde a dit, c'est un youtubeur qui fait un truc. Et non, il était en détresse totale, le mec. Le 16 janvier, un homme s'est accroché à un TGV allemand pendant une trentaine de kilomètres entre deux gares de nationalité hongroise. Le voyageur de 40 ans avait pris le train à Munich sans ticket. Lorsque le train s'arrête en gare, il décide de sortir pour fumer une cigarette avant de se faire surprendre par le départ de la rame. Ah, donc c'est vraiment ça. Et en fait, vu qu'il avait laissé ses bagages à l'intérieur et sa famille, et non juste ses bagages, non, il a dit bon, non, ça je non, et du coup il s'est accroché. Il s'est accroché au train, donc il saute sur le train et se renvoie sur des câbles entre deux wagons, alors que la vitesse du train atteint donc du coup 282. Il s'est attrapé à des câbles. Oui. Ah oui, non mais là c'est. Oui. Ah bah du mental en fait. Ouais, prenant la graine, mon pauvre. Esprit Kaizen. Prévenu par des témoins, le conducteur s'est arrêté de manière imprévue mais contrôlée. Le policier présent dans le train a alors fait monter le voyageur à bord et a remis à la police. Malheureusement, il s'est fait arrêter parce qu'il t'as pas le droit de faire ça. Un peu stylé. Est-ce que vous êtes déjà mis un peu en danger sur des tournages? Oh. Genre une cascade ou quelque chose. Moi je me suis blessé toi, plusieurs fois. Ouais, je me suis ouvert le. Non, parce que ça, je te rappelle que c'est un muscle, on ne peut pas se le casser. Tout simplement. Non, je me suis éclaté le mollet sur un film. Voilà. J'ai sauté au-dessus d'un. d'une sorte d'arbre séculaire qui était là, décédé depuis plusieurs siècles. Et je pensais que la matière était souple, alors qu'en fait, c'était tel comme si que c'était un rasoir, finalement. Oui, c'est ça. Et ça a pété, en fait. Et j'ai senti que ça avait pété, et ça faisait partie de la séquence. Je me suis dit, allez, joue là un peu comme Christian Bale. Et en fait, la douleur était telle. Claque-la un peu à la Bale. Et en fait, la douleur était telle. J'ai vu un petit morceau de jambon qui sortait de mon mollet. J'ai dit, est-ce qu'il faudrait pas qu'on coupe la machine? On l'a coupé et on était dans une montagne éloignée de tout et je suis descendu dans un 4x4 avec quelqu'un de formidable et ils m'ont dit on va te faire des points de suture en espagnol, donc je parle pas cette langue mais c'est ce que j'ai cru comprendre. On va vous faire monsieur Marmet des points de suture de chirurgie esthétique, c'est une sharpie, c'est-à-dire que c'est un truc voilà, c'est terrible. Mais attends, voilà, sur le plateau genre sur le plateau, non dans un lieu dans un hôpital. Ouais. OK. Je me suis ouvert la jambe. Et c'est sur quel film si c'est pas indiscret? On peut te balader. Peter Schnock. D'accord, OK, très bien. C'était pas vraiment de la faute de l'équipe, c'était plutôt de la mienne. Non, mais il y avait beaucoup de forêts, des chevaux, des trucs. Ah, bah, on était au cœur même d'une forêt. Il y avait que les arbres. De la violence. De la violence pure. Toi, Vimala, c'est arrivé? Oui, en Guyane. on faisait de la tyrolienne avec Vincent McCain à quoi? Franchement, 150 mètres de haut, il y avait un type qui ressemble à Crocodile Dundee avec tout un matos rouillé qui était là, qui disait, ça ne craint rien! Regarde! Et il balançait ses enfants, tu vois, sur la tyrolienne. Des enfants de vraiment de 10 ans. Et après, on a dû se propulser parce que ça tournait. Et là, en fait, à la fin, on n'arrivait pas à freiner. Et alors, je me suis, tu vois, j'ai fait une espèce de vrille sur la droite et je me suis éclaté le front. Du coup, j'ai fini le tournage avec une bosse cachée par la frange et je tournais tout à l'égyptienne. Comme ça, parce que j'avais un coquard monstrueux. Dans ce film, je me suis pris dans les rapides, ça m'a plaqué au sol. Et là, en fait, il y avait la barque des secours et je me suis pris la barque des secours dans la tronche. Dans l'œil, terrible. Dans l'autre œil. J'ai perdu connaissance, ils sont venus me chercher. Ah ouais. Je me suis battue avec le sauveteur parce que j'ai fait une crise de paranoïa. Ah oui. J'ai nagé jusqu'au centre du fleuve, je me suis mis sur un petit rocher. Oui, mais le film est quand même réussi. J'ai insulté tout le monde, j'ai vraiment insulté tout le monde. Et le film est raté. Ça fait partie, effectivement, on parle de tournage. Il y a autre chose. Il y a quand les gens, on leur parle de tournage, ils disent ça doit être très difficile, les cascades. Ça va être très difficile de tourner avec des enfants. Et c'est vrai que dans l'attachement, vous avez un enfant assez formidable. Il est fou, ce gamin qui joue dans le film. Comment c'est de tourner avec des enfants? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce qu'au contraire, il y a un truc un peu magique parce que eux, il y a une innocence? Je pense que ça dépend de l'âge en fait. Sur le film, c'est vrai que César, il avait 5 ans et demi, donc il est pas encore pré-ado, donc c'est plutôt les pré-ados qui peuvent des fois, tu vois, être un peu dans un truc. C'est marrant parce que ça m'est déjà arrivé de rencontrer des pré-ados qui jouent à être acteurs, parce que très souvent les parents poussent un peu derrière. En fait, là, il avait 5 ans et demi, César, et était hyper disponible en fait. Il était vraiment, tu vois, à partir du moment où tu l'infantilises pas, il est très à l'écoute, quoi. Il joue. De toute façon, ce qu'il faut, c'est créer un espèce d'endroit un peu ludique, un peu comme mais dans un cadre un peu avec un caméscope, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, c'est moi ça m'a pas posé de problème. Non. Toi, Vimala? Moi, j'aime pas trop ça. Ouais. Pour être totalement honnête. Non, j'ai essayé de faire un truc un peu in between comme réponse. Voilà. Tokyo, tu te la prends dans la gueule. La vérité va éclater dans 3, 2, 1, vérité. J'ai horreur de ça. Et d'ailleurs, j'ai refusé pas mal de films à cause de ça. C'est vrai. Mais cela dit, encore une fois, moi, je suis d'accord avec Vimala. Il y a des enfants, c'est terrible. Mais là, il y a quand même un truc un peu magique qu'a réussi à faire la réalisatrice. Moi, le petit m'a chopé sur des répliques. En fait, ce que j'ai adoré dans le film, c'est que c'est des répliques. Je te l'ai dit, elles sont pas émouvantes, mais c'est aussi là où c'est très bien écrit. À un moment, il parle juste de Talkie Walkie de Pat Patrouille. Ouais. Et ben moi, j'ai fondu en larmes juste sur cette réplique. Parce qu'il y a un truc qui se crée quand même avec aussi. C'est en dépression aussi, peut-être. Ah, moi, je suis au fond du gouffre. Non, mais il y a un truc qui se crée avec ton personnage, avec tous vos personnages, et que je trouve ça assez magique quand même. Assez beau. Alors, en plus, Karine, elle expliquait bien, enfin, elle explique pour trouver un enfant de 5 ans et demi. T'envoies à peu près 250 et apparemment, enfin tu vois, c'est totalement le hasard en fait. C'est une vidéo de quelqu'un qui lui avait envoyé je sais plus qui. Et en fait, elle cherchait surtout quelqu'un qui était pas mignon, quoi, mais qui avait un peu de. Qui était capable d'incarner un truc avec un peu de fond, quoi. Enfin, juste de jouer quelque chose, ce qui est pas évident. Ouais. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi, à 5 ans et demi, déjà, j'ai aucun souvenir de ce que je foutais de ma vie, de mon existence. J'étais sans doute en train de préparer les sorts. Un continent. Un continent avec mes amulettes, en essayant de trouver un trajet, une direction dans ma vie. Mais c'est quand même, à 5 ans et demi, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment maternel encore, quoi. C'est pas un spoiler, d'ailleurs, en plus, toi, t'as des scènes avec lui. Enfin, tu lui apprends au début du film, je pense que c'est pas un spoiler de dire ça, le décès de sa mère. Donc c'est quand même, oui, des trucs à jouer avec un. Toi, tu dois penser à toi, tu dois penser à toi. Tu étais dans l'instant ou tu, quand même, c'est un truc où tu te prépares un peu en amont. Non, c'est beaucoup préparé. Mais c'est en fait dans ce cadre-là, dans ces séquences-là un peu délicates du début, Karine m'avait demandé de me réveiller à heure régulière la nuit, tu vois, pour essayer de trouver un endroit de fatigue, quoi, d'épuisement. Parce que effectivement, bon, comme tout le monde, là, j'ai eu des moments de deuil dans ma vie. Et donc, je me rappelle que l'état de fatigue générale et de poids, c'était un peu ça qui aurait pu m'aider. Et donc, ça m'a vraiment aidé dans les séquences. Après, c'est vrai que jouer avec un déjà annoncé. Enfin, bref, tu vois, je vais pas raconter. Bien sûr. C'est pas facile. Et c'est vrai que on a eu beaucoup de chance parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de chance avec ce partenaire, enfin, avec César, parce que jouer à ça, tu vois, à 5 ans et demi, on dit, bah, en fait, ta mère est morte. Waouh, je veux dire, faut quand même l'encaisser, quoi. Même si on dit, mais en fait, tout ça, c'est pour du faux. Tout va bien. Quand même, au fond. Là, pour le bien du film, vous lui avez fait croire que sa mère était vraiment morte. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est une super idée qu'on a eue. Et on applaudit Karine Tardieu d'avoir fait ce choix osé. C'est la magie du cinéma. C'est les petites coulisses. Des petits tricks. Voilà. On croit qu'il joue bien. Non, il croit vraiment. Voilà, après, Dima avait un briquet. Et lui brûlait le sous-pied. On lui a offert un petit green de blade ensuite. Faire chaud. On lui a offert des 4 Pokémon ensuite pour une quarantaine de cigares. Branché sur une batterie de Volvo et on attaque. Alors justement, tu parles de Volvo, des chercheurs anglais viennent de mettre au point le prototype d'une nouvelle voiture révolutionnaire. À votre avis, comment fonctionne-t-elle? Elle marche au pipi. Oh là là, mais toi, oh là là. C'est pas vrai. Non, mais on s'approche, on est pas loin. J'avais entendu ça il y a longtemps. C'est clairement au méthane. Du tac au tac. Non, c'est pas vraiment du pipi, mais c'est de l'eau. Du méthane. De l'eau. Avec des déchets. Pas d'huile de friture, mais ça c'est déjà. Pas d'huile de friture. Oui, j'ai vu ça. Ah bon? Oui, ça existe déjà. Est-ce que j'ai l'impression que ma réponse n'a pas été entendue? Si, méthane. Je parlais de méthane. De méthane. Non, c'est pas le méthane. Mais ça, c'est ça que tu voulais dire. Non, pas vraiment prout. Si, c'est ça. Pas de matière fécale? Pas de matière fécale. Oui, en voilà, fait, oui. Si, un peu du. Écoutez-moi bien. Non, pas les proutes, mais le caca. D'accord. Non, mais non, je non, voulais pas le prout, caca, ouais. Moi aussi je le dis. Du prout au caca, mélangé avec du pipi, de chien. Imagine. Le mec à table, tu sais, avec les développeurs. Alors, mon idée, c'est la suivante. Caca, pipi. Voilà, bon, ouais. Tu couperas ça aussi. Oh non, là là. Il n'y a rien à en tirer de cette réponse. Ça, c'est la bande-annonce. Alors, non, en fait, vous n'êtes pas loin. Des déchets domestiques, en fait, comme dans Retour vers le futur. C'est tout simplement l'eau des égouts. Donc c'est un mélange de l'eau, pipi, de caca. Oui, mais... Ah, mais oui, mais donc c'est ça. C'était un mélange de tout ça. J'attendais une réponse complète. Mais attends, est-ce que c'est pas juste le fait que c'est de l'eau qui... Je pense que le fait que... Le fait qu'il y ait du pipi et du caca dedans n'est pas bénéfique, j'imagine. C'est ce qui fait que c'est dans l'émission, déjà. Ouais, c'est, voilà, oui, c'est quand même sûr, pas mal. Ça s'appelle la Waste to Race. Elle est alimentée par de l'hydrogène issu des eaux usées. Cette technologie transforme les eaux usées en une source d'énergie propre, une approche qui va mélanger gestion des déchets et production d'énergie renouvelable. C'est génial. Ouais, mais j'y crois jamais, moi, ces trucs. Ça fait combien de temps qu'on dit il y a des moteurs à eau et tout, et puis ça, on n'en voit jamais le bout du nez, quoi. Mais toi, t'es un déçu. Non, mais... T'es un déçu. Surtout un sacré putain de lobbyiste, mec. Non, par contre, tu ne serais pas un peu pour Total, toi, quelque chose comme ça? Non, par contre, il adore l'essence. Bah, je suis un diesel, tu l'as dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les cigarettes électroniques? Ah, j'ai fait un jump. Là, t'as jumpé. C'est ça. Très clairement. Il y a eu un salto. Il y a eu un double salto avant. Ça me fait penser à ça. Du pipi, pipi, caca. C'est du pipi chien. Du pipi, bio. Et des crottes de nez. Oh non, t'es trop sale. Quelle était votre première bagnole autour de la table? Vimala. Oh, une mini. Bien sûr. Oh, direct. Oh. Ouais, de ma tante qui était morte. Top. Yes. Attends. Simone. Sublime. Petite mini. Ouais. Elle avait plus de frein au bout d'un moment. Ah, ce qui est dommage sur une voiture. Et tu m'avais acheté des rétroviseurs. Ouais, qu'on avait monté des rétroviseurs au but. Ouais, très très joli. Au but. Chromé, ouais. Elle était extrêmement dangereuse. Ah, on a. Ouais, extrêmement dangereux. Et puis tout petit, de toute façon, petite, c'est dit dans le long. Ouais. Moi, j'avais une coccinelle. Une coccinelle. Ah ouais, ouais. Oh, wow. Une coccinelle, ouais. Trop okay. Bien. Ouais, un 1300 noir mat, hyper élégant, que j'avais éclaté dans un trottoir. Parce que je m'étais dit, tiens, est-ce que je prendrais pas ce virage beaucoup plus vite que d'habitude en utilisant le frein à main, comme dans Blade. À moitié Blade, moitié Fast and Furious avec une bagnole qui devait partir au rupteur, je pense à 90 km/h. J'ai perdu le contrôle, je me suis empâffé dans un muret. Je me suis dit, oh, il faut pas que les flics me voient. Et donc on avait repoussé le véhicule jusqu'à, parce que j'ai mon garage était à 100 mètres. Encore une histoire passionnante. Non, mais c'est super. Attends. Mais j'avais éclaté la bagnole, ouais. Oh là là, ouais, terrible, ouais, ouais, terrible. Terrible histoire, ouais. Et toi, effectivement, et première moto, parce que fou de moto. Ah bah Harley, ouais. Harley Davidson. Ah, direct. Ouais, Harley, une petite, un 1080. Ta première moto, c'est une Harley. Ouais, mais tu sais, alors il en existe des vraiment pas chers. C'était vraiment un truc compact. Ah oui, j'ai eu des petits iPhone. Alors j'ai eu un Solex, j'ai eu deux Solex, j'ai eu des 103. On ne pas les torchons et les serviettes, on parle de moto. Non, attention. Mais oui, attention. Premier deux roues électriques, premier deux roues. Oh la vache, le lapsus. Eh oui, mais tu vois, mais pas mal. Qu'est-ce que je viens de dire? Deux roues électriques. Man. Une trappe. T'as vu, je suis toujours dans le coup. Man. Et dans le raga, pardon. Raga. Et raga hyper contemporain. Pure marmane. Alors, non, bah, non, c'est ça. Man. Oh là là, une moto reggae. Oh, trop bien. C'était une moto reggae. Toi, Adrien, première voiture. Bob Marley Davidson. Oh là là, on peut l'applaudir. Oh, mais je sais pas. C'est venu comme ça. Non, ma première voiture, bah c'est mon Camtar que j'ai là. C'est ma première voiture. Ah oui, parce que oui, bien sûr. Il a pas changé de comportement depuis. Non, ça reste le même. Bah ouais. Et c'est ça qui est beau. Un Vito, c'est un Vito. Non, c'est un Volkswagen Caddy long. Ah oui, super. C'est pas un van, donc c'est assez bas, mais c'est quand même aménagé. Je peux dormir dedans. J'ai tout dedans. J'ai une hache. T'es garé où là en ce moment? Là, c'est garé dans le parking shooter de mon ancien appartement. Rock and roll. Oh là là. Peut-être pas donner trop de détails ou ma bagnole, parce que je précise quand même que tu j'y vis plus 6 mois. Non, mais quelqu'un l'a fait par contre. C'est pas vrai. Parce que là, qu'un jour, on allait chez un ami en commun avec Florent, et quelle ne fut pas ma surprise. Tu sais, j'arrive à mon camtar, je dis. Bah, c'était pas rangé comme ça à l'arrière et tout. Et en fait, je pense que j'avais oublié de fermer à clé la dernière fois. Et quelqu'un, je pense, a fumé du crack dans mon camtar. Mais il avait laissé le truc dans un bel état ou est-ce qu'il ça, laissé... va, ça va. Est-ce d'accord. qu'il t'a laissé un peu de crack? C'est ça, moi, ma question. Non, mais. Mais pas un petit caillou. Non, non, mais il y avait un briquet, parce que j'ai des briquets, évidemment. Et des briquets. Sans vouloir vous en mettre pas la gueule, hein. Et il était vraiment. Non, mais. J'en ai plusieurs de tout type. Avec ceux avec le truc en métal que tu peux courber pour allumer le barbecue. Ouais, j'en ai deux, ouais, c'est rien. Ah ouais. Pour moi, c'est rien. Voilà. Mais non, il avait laissé bien en évidence pour dire mon gars, j'ai vraiment fumé dans ta camionnette. Quoi. Incroyable. Mais voilà, mais bon, je me suis dit, et allez, c'est de ma faute en même temps, j'ai laissé ouvert. Mais toi qui fais de la moto, Pio, t'arrives encore à trouver, parce que c'est une passion que t'arrives à trouver du temps encore pour cette passion ou Bah là, par exemple, je viens de me fracturer le tibia, donc si tu veux, en laissant en démarrer une ancienne. Ah ouais. Le temps, j'ai trouvé. Ouais. Avec le kick? Non, rien. Avec le kick, ouais, je me suis écrasé sur le kick qui n'a pas accroché. Ce qui arrive assez rarement, j'irai une fois sur 1000, et ben ça a été la fois sur 1000. Attends, mais la moto est tombée sur ton tibia? Non, tout simplement, j'ai kické le truc en me disant, tiens, c'est marrant, ce véhicule n'a pas démarré depuis 6 mois, est-ce que je mettrais pas tout mon poids et toute ma force pour le lancer juste avant de partir? Juste avant de partir, hein. Je me suis éclaté de tibia, ce qui est pas grave. It's a sign of Jesus. Non, il est cassé. Il est fracturé, ouais. Mais moi, j'ai. Tu j'ai fais de l'ostéoporose ou qu'est-ce qui se passe? Alors, comment t'as pu est-ce que ce serait pas le moment parenthèse. On a Michel Simès qui va arriver. Soit du druide marmite. Non, alors je ne fais pas. Druide marmite. Je ne fais pas d'ostéoporose. Non. C'est fou de se péter le type. Putain, et donc ça, tous les sites people, vous pouvez le reprendre, c'est chez nous, ça. Pio Marmaï ne fait pas d'ostéoporose. Voici, ça. C'est demain, donc voici, Pio. Désolé de te le dire. Pio Marmaï de point, je ne fais pas d'ostéoporose. J'avais ça aussi. J'ai eu ça quand on était aux Arcs ensemble. Puis maman avec deux points, j'adore la raclette. Tu te rappelles de ça? Oui, c'était génial. Putain la vache, le journalisme contemporain des fois quand même. Waouh, il existe-t-il encore des études? Je ne sais pas. Toi, okay. Imana, tu es aussi circassienne. Ouais. Est-ce que tu trouves du temps aussi pour des projets de cirque, des choses comme ça? Avec le cinéma, c'est important de laisser cette place-là. Toujours les deux. Ouais. Je suis bi là-dessus. Ouais. Tu fais ça depuis très longtemps. Ouais, complètement. D'ailleurs, première moto, je l'ai portée sur ma tête. Directement? Il y a un an et demi. Ouais, moto électrique. Oui, pour les gens qui ne fassent pas, c'est ça. Tu fais comment pardon. Ça... Ouais, non, mais comment je ça s'appelle? Je suis équilibriste. Je porte des objets de 30 cm à 4 mètres, 5 mètres. C'est ça. J'ai encore l'accent là. 5 mètres. Et donc tu arrives à trouver du temps encore pour toujours, faire des choses, ouais, hein. Je fais même presque. Non, je fais pas plus ça. C'est les deux pareils. Ouais. Ouais, tu fais beaucoup de. Les spectacles que tu fais sont quand même assez dingues. Hein. Passionnata. Parce que tu les crées, c'est aussi déjà. Tu es créatrice de spectacles. Je les écris, je les interprète. Là, je vais en faire un prochain en octobre. Génial. Tu avec sais où 10 chanteurs lyriques à l'Odéon 6e dans les Moulures. Trop bien. Bam. L'info est passée. Ouais. Alors le cirque. Et Pio me soutient depuis le début. Hein. Ah, ouais. Ah oui, bien sûr. Vous connaissez depuis très longtemps? Très longtemps. Ah ouais, depuis quand? 20 ans? Depuis qu'on a 5 ans. Non. Ah oui, c'est très longtemps. Bah, depuis. Ouais. Depuis. Non, 15 non. ans? 15. Ah ouais? Ouais, depuis qu'on a quoi? 24 ans? Ouais, c'est ça. Truc comme ça. Ouais, donc c'est ça, à peine moins de 10 ans. Moins de 10 c'est ans. C'est ça, ouais. Très très bien. Ça fait, c'est comment d'ailleurs de jouer avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps? Ça change quelque chose? Est-ce que c'est plus simple, plus difficile? Moi, ça me fait une petite gêne au tout début, parce que tu crois pas à la fiction, et après, c'est gagné, c'est banco, parce que de toute façon, Pio, c'est le meilleur acteur d'Europe, et du coup, derrière, t'as rien à faire, tu te laisses aller, bobsleigh, c'est parti. Oui, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que tu viens de dire. sur le bobsleigh, tu voulais pas rester uniquement sur le territoire français, mais pas régional, les frontières. Meilleur acteur de la région, Pas-de-Calais. Et oui, non, mais c'est vrai, ça permet de gagner du temps. Ouais, enfin, toi, tu trouves. Sais, alors effectivement, il y a cette gêne un petit peu au début, mais après, la spontanéité et la confiance et la force de proposition, elle est plus agréable. Il y a une backstory. Trop bien. Le cirque est d'ailleurs le 6e art. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, il est mis dans le même groupe que la danse, le théâtre et le mime. Est-ce que là, comme ça, petite réponse vite, quel est le premier art pour vous? Attends, pour nous? De quoi? En général, non, dans la classification des arts. Non, je te demande pas ton avis. Pour moi, le premier, c'est la cuisine. C'est la bonne bouffe. Vous savez, il y a 10 arts, le cinéma, le 7e art, voilà, tout ça. Le premier art. Bah, la littérature. Les grottes de Lascaux, les dessins, le dessin. Ah, la peinture. Non, mais la peinture, c'est la danse. La peinture, du coup. C'est la danse, la transe. Ce n'est pas la peinture. Les alchimistes. La peinture fait partie de ce qu'on appelle les arts visuels. Donc, ça, c'est le 3e art. La sculpture. C'est le théâtre. Non, c'est la chanson. Pas le théâtre, le sculpture c'est le 2e art. Le théâtre c'est regroupé avec les arts de la scène, donc ça va avec le cirque. Okay. C'est danse, théâtre, mime, cirque. C'est pas la littérature. Non, la littérature c'est le 5e art. Le chant, ouais. Le chant ça rentre dans la musique qui est le 4e art. Bon sang, bon. Attends, le premier art de tous les arts. Hein. De tous les. Je te parle de tous les arts. Est-ce que l'ordre est aléatoire ou il y a quand même un logique? Non, c'est de l'artisanat. Il y a un peu. Alors la poterie, ça rentre dans la sculpture, donc c'est le 2e art. Non, ça rentre un peu dans un truc. J'ai envie de dire chronologique. Oui. Tu vois, qu'est-ce qui aurait pu être inventé au début? La bagarre, non, c'est pas le feu. Le feu ou la bagarre. C'est vrai que le feu est bagarre. Les arts martiaux. Nouvel article, nous voici. Pio Marmaille. La bagarre, c'est un art. La bagarre et le feu, les arts martiaux, pardon. Taylor Swift. C'est vrai. Non, mais tu vois, en fait, c'est un truc chronologique. Par exemple, le 10e art, c'est les jeux vidéo et le multimédia. Parce qu'ils l'ont rajouté un peu après. Le multimédia, bon, le terme est un petit peu daté. Oui, mais parce que t'es fou de cyberespace. C'est macromédia. Non mais alors attends, le premier art, donc j'ai un retour. L'art, oratoire. Attends. Pas l'art oratoire. Non mais c'est un truc qui est dans le regard. C'est comme quand les gens ils se regardent dans le regard, non? Non. Et ils se disaient, c'est pas un moment d'art. La baise. La baise. Ah là, c'est vrai que la baise c'est un art pour toi. Attends, il y a un petit attendez, on va se replonger dans le kangou là, je sais pas quoi là, ça va être dark là. Attendez. Non, n'est pas dark tout de suite quoi. Quoi dark. C'est pas un kangou, c'est un caddie. Déjà, premièrement, c'est une Volkswagen, mon pote, d'accord, c'est pas une Renault. C'est de la super cam. Attends. J'ai une scie dedans, j'ai un filtre à eau, j'ai une hache, une demi-douzaine de briquets, j'ai une pelle multifonction. Donc s'il te plaît, tu mets du respect sur sa voiture. J'ai 3 réchauds dedans. Merde, j'en sers une fois tous les ans, même pas. Je donne quelques-uns. Ouais, attends, mais est-ce qu'on a dit le 2e déjà? Vous l'avez dit, mais je comprends. Tu veux la musique? J'ai des petits écoliers. Tu veux des petits écoliers? Ouais, j'ai du gargouillis là. Tu veux des petits écoliers? Oui. Allez, j'y vais. Je vais chercher des petits écoliers. Non, mais ils sont là ou il faut aller les faire? Je vais pas aller à Monoprix. Ils sont à l'école. Oh non. Trop con, quoi. Attends, le problème. Ouais, mais faut pas qu'on réfléchisse là. Non, moi je réfléchis à autre chose là. De toute façon, ça c'est une faculté que j'ai incroyable. Moto. Mais on a dit tous les arts. Je suis dans le désert. Le. Non, mais attends, c'est. Paris-Dakar. Mais on a dit tous les arts là. Non, mais on en a dit 4, je pense. Sur 10 apparemment. Merci. Oh là là, quel bonheur. Attendez. Non, mais c'est. Attends, le deuxième était. Quel était le deuxième, Florent? Je vous fais un récapitulatif des arts. Le deuxième art, c'est. Réponds à ma question. J'ai vu que t'étais. Le deuxième art, c'est la sculpture. Le troisième art, c'est les arts visuels. Donc peinture, dessin, photo, graphisme, gravure, sculpture. Donc il y a 2 fois sculpture, ça n'a aucun sens. Quatrième art, la musique. Cinquième art, la littérature. Sixième art, les arts de la scène. T'es sur Wikipédia là? Non, je suis sur mon petit travail de recherche. Le septième art, c'est le cinoche. Bien mais sûr. Ça rentre aussi ça, on connaît, les courts-métrages. Mais aussi les séries télé. Il est jusqu'à la moelle, c'est plus que cinoche. Putain de cinoche. Putain de cinoche qui nous encore à notre peau. Ouais, regarde, il arrive en béquille tellement le cinoche le bouffe. Huitième art, les arts médiatiques avec radio et télé. Les arts martiaux, mais c'est quand qu'il vient celui-là, merde. Putain, le Wing Chun, ça arrive quand là? Bah écoute, apparemment, il y a pas les arts martiaux en France. Hein. Putain, pas les arts martiaux. Le Peng Chatsilat, c'est même pas. C'est non, pas un art. C'est quoi le 1 le Peng Chatsilat, c'est pas en 1? Je pense aux 25 000 abonnés en France, putain. ils vont être déçus. Bon, bref. Le Shoryu Kempo, non, non pas, je vais être obligé de vous le donner. Ouais, bah, non. Bah, regardez-le, là, oula, ça y est, il se redresse. C'est pas la nourriture. Je refuse. Oui, la cuisine. Non, il n'y a pas la cuisine. Non, toi, ouais, attends, la cuisine, c'est pas du c'est tout. C'est pas considéré comme un art par la France. Voilà, je te le dis. Non, mais ton classement, tu l'as trouvé où là? Écoute-moi bien. Déjà, tu as. Non, j'y crois pas. Il y a deux fois sculpture dans ton top. Mais ouais, non, c'est vrai. Non, mais ça, c'est bizarre. Non, mais t'es pas allé chercher. Si, j'ai bossé. Non, si, écoute-moi. T'as demandé à une IA. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment. C'est la liste officielle des arts. Je suis allé sur art.fr. Le tissage. Pas le tissage, n'en fais pas partie. Ah, mais. Attends, les vêtements, y a rien. La menuiserie, y a rien, un peu un truc comme ça, non? Bah, j'imagine que ça rentre dans la sculpture. Non, parce que c'est plus de l'artisanat que. Ah, bah non, remarque. Mais le dessin, c'est pas le premier des arts. Ah, non, je crois que ça fait 6 fois qu'on le dit. Attends, t'es sûr que c'est pas le dessin? Eh mais vu que vous savez quoi? Oui. Voilà. Allez. Voilà. Non. Pas s'emmerder non plus. Non, on est. Du coup, c'est un art, limite le premier art que l'humanité a pratiqué. C'est un peu ça. C'est le. Pour moi, c'est le feu ou le kung-fu. C'est clair et net. C'est soit les arts martiaux. Le kung-fu. Allez, on coupe la poire en deux, kung-feu. C'est kung-feu. Ce sera moins bien, donc bon, disons le kung-feu. Non, le kung-feu est le premier art français. Non, mais attends, genre, attends. Est-ce que genre les hommes préhistoriques pratiquaient cet art? D'une certaine manière, mais non, c'est un truc un peu plus récent. Renaissance, on est là. Sur la Renaissance. Je suis en train de perdre. Allez, oui, Vimala, je comprends. Oui, mais moi, on peut donner la réponse. Non. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve aussi. On va trouver. Non, mais on va affiner un peu le nombre de questions. Tu veux d'autres petits écoliers? Tu n'hésites pas à me dire. Je suis en hypoglycémie. Est-ce que c'est un art où tu fabriques quelque chose de matériel? Bien sûr. Au final. Oui, non, mais tu vois, ça aurait pu être le théâtre. Ah, alors tu sais quoi? Non, pas, tu fabriques pas de tes mains, mais tu le conçois pour qu'il soit fabriqué. Ah, ben voilà, ouais, donc oui. C'est conceptuel. Pas du. L'architecture! C'est une bonne réponse! Oh, punaise! L'architecture! Mais oui. Oui! Bien sûr! Voilà, allez, on s'applaudit tous. Magnifique! L'architecture est effectivement le premier art, Adrien. Oh, il se sent bien là. Là, il se sent bien. Non, là, mais vous voyez, ouais, ça là, c'est l'équivalent d'une heure de course là pour lui. C'est la même chose. Ouais. C'est un art pour moi aussi. Est-ce qu'il y a un autre art qui pourrait vous tenter? Alors toi effectivement on a dit que tu faisais aussi du cinéma, du théâtre aussi t'as fait. Pio, du théâtre c'est quelque chose par exemple qui pourrait t'intéresser, que t'as déjà fait? Oui, j'en ai fait, oui, je suis sorti d'école aussi un peu plus tard. Tu pourrais y revenir? Oui, avec plaisir. Ouais. Après, je pense qu'il faut aussi, il faut un texte qui vaut le coup. Enfin, ah bah alors ça tombe bien. Écoute, c'est trop con. Je te l'envoie. Et bah, écoute, en airdrop. Mais il a surtout écrit et mis en scène. Oui, c'est ça aussi. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, je savais pas. Bah, c'est surtout ça, nous, qu'on fait. Ouais. On n'a pas joué au théâtre vraiment. On a joué quoi? Deux fois? Je sais pas. Ouais. On il a écrit une pièce qui s'appelle Lampenfieber. Ouais, et je d'accord. peux te dire que c'était génial. Mais c'était en 90, non, ouais. C'était en 2000, enfin je sais pas, j'avais 25 ans quoi. 25 d'accord, ans. Okay. Il y avait vraiment 450 peluches qui tombaient du, ouais, ça, c'était pas mal, du ouais. plafond. Génial. Ouais, moment, ouais. Et avant, j'avais fait un autre spectacle qui s'appelait À quoi pensent ces agneaux. Mais là, on s'écarte. Ah non, moi je trouve ça super intéressant, je le savais pas. T'as vu les titres? Les titres sont très bien. Ouais. Les titres sont très bien. Attends voir, putain. Non, qu'est-ce que. Non, mais moi, non, la musique, moi, par exemple. Oui, parce que j'ai fait de l'accordéon en secret, comme ça, pendant la guerre. Parce que c'était un instrument interdit, hein. Tu sais comment c'était. Quand bah, on ils nous interdisaient tout, hein, les Allemands. Je jouais des chansons comme je pouvais pour faire rêver les. Le marmusette. Ils en prennent pour leur grade, les Allemands, dans tes chansons, je pense. À mon avis, ils en prenaient pour leur grade. On ne pas qu'ils tombent là-dessus. Hein. Ouais, voilà. J'ai toujours dit, et je ne suis pas sûr que ce soit un art encore visuel, mais j'ai toujours dit que si j'avais pas été acteur, j'aurais été artificier. Parce que j'ai toujours été fasciné par l'effet d'artifice. Ouais. Ah ouais. Alors je ne pense pas que c'est encore reconnu. Tant que, façon, si le kung-feu n'est pas reconnu, ouais. Qu'en est-il? Il y a un artiste chinois hyper connu qui fait, comment il s'appelle, qui fait des feux d'artifice. Ouais. Ah, malheureusement, il m'est pas venu à ce moment. Hyper connu, j'ai peut-être un doute sur le hyper connu. Non, si, il a un reportage sur Netflix. Dans le monde du feu d'artifice. J'ai pas réussi à dire Netflix. Alors, et d'ailleurs, à ce propos, je voulais dire aussi un truc. Moi, j'en ai marre que de voir, d'assister. Et là, j'en ai marre. On met le jingle, le coup de gueule de Pio. J'en ai marre de voir des spectacles avec des drones. Moi, j'ai envie que ça explose, que ça pète et que les gens en prennent plein les yeux. Que les gens soient satisfaits de ces moments-là parce qu'on en a marre. Terminé. Moi, je travaille avec une comète d'intérieur. C'est quoi? C'est une petite comète qui peut se lancer à l'intérieur. Ah ouais. C'est l'explication, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais avec le nom, quoi. C'était plus comment ça se. Enfin, je vois pas comment ça se lance. Le mot comète, c'est généralement. Moi, je vois un astéroïde qui détruit la Terre, donc c'est pour ça, une comète d'intérieur, j'attends un peu plus que c'est comme une comète, mais d'intérieur. Oh là là. J'ai mal au visage, tellement que je rigole. T'es là, tu rigoles. Je n'arrête pas de. C'est pas. Non, donc c'est, ça se lance, c'est quoi, c'est quoi une comète d'artifice? C'est vraiment un truc d'artifice. Après, je me suis fait péter un rocher aussi, lardé de dynamite sur la tête. Ah bon? Ouais, c'est ça. Mais de ton plein gré ou d'un accident? Oui, de mon plein gré. Il y avait des maroons, qu'on appelle, qui étaient à deux endroits différents, plus un smoke puff sur le dessus. Ouais, pour on simuler a tous les termes. Un nuage de fumée. Voilà. D'accord, très bien. C'est des artifices homologués. Incroyable. Eh ben. On sait toujours pas ce qu'est une comète d'intérieur. Par si, elle a expliqué. Mais une comète, c'est-à-dire, c'est quoi, c'est un truc qui vole, quoi. C'est un petit feu d'artifice, quoi. C'est comme un petit feu d'artifice. Genre, c'est un... Non, ça démarre comme ça avec une charge et tout ça. C'est quand même. Mais c'est homologué à l'intérieur, mais c'est comme une espèce de comète comme ça qui traverse. Ok, d'accord. C'est très beau. Et tu dois avoir pas mal de théâtres qui sont contre ces trucs-là quand même. Pas du même tout. Ah ouais, non, ça va, ils sont assez ouverts sur ces trucs-là. Ah, j'ai vraiment dit beaucoup de fois le mot homologué. Oui, homologué, mais des fois c'est homologué et des fois ils veulent c'est pas. C'est homologué. Homologué, pipi, homologué, pipi. Non, c'est homologué. Hein. J'ai tous les papiers. Je vous pas. C'est homologué. j'ai le droit. Tout est en règle, hein. N'essayez pas de m'avoir. Joe Biden, souvenez-vous. Oh là là. L'enchaînement. Petite comète, homologation, Joe Biden. C'était son surnom, cela dit. Je me sens comme une femme noire. Oui, voilà. C'est lui qui a dit ça. Eh bien, à votre avis, que fait-il depuis qu'il n'est plus président? Oh bah, là, il y a plein de choses. Je pense qu'il pense toujours qu'il est président. Parce que ça est plus... Ou qu'il va être élu, parce qu'il va revenir dans le passé. Vous avez vu les peintures de George Bush? Non, j'ai pas vu. Ah oui, des trucs il à poils. Il peint des chiens, c'est extraordinaire. C'est vrai? Ouais, c'est extraordinaire. J'ai pas encore vu. T'as vu des J'ai vu. Attendez, qu'est-ce qu'il fait depuis? Il doit faire des conférences, non? Alors, oui, entre autres. Du skate, pas mal de skate, je crois. En rampe, hein, il me semble. Bah, de la bécane avec Pio. Vous pouvez les voir ensemble. Attends. Il chasse? Non, il a rejoint quelque chose. À votre avis, une. Un groupe de rap? Non. Un peu. Il a rejoint le Wu-Tang, tout simplement. Ça va être un collectif de quelque chose. Ouais, c'est. Un truc artistique? C'est artistique. Une troupe de théâtre? Pas du choral, pas une troupe de théâtre. Un groupe d'impro, les gens. D'architectes? Non, pas un groupe d'architectes. Un groupe d'architectes. Quel premier art, je sais pas. Homologué, T'es homologué, tout est en règle. Tous les papiers sont faits, il y a un huissier qui est passé. Attends, pas. Artistique. Peut-être, alors bon, de la danse, ça me paraît. Non, pas de la danse, non, bah. Minimaliste à ce moment-là. Très américain, enfin, en tout cas, où ils sont. Ah, la comédie musicale. Mon rêve, mais c'est pas la comédie musicale. Peinture, un art très américain? Non, enfin, qui est aussi très français, mais. L'art de nous rouler dans la farine. Oh non, Oh là là. Mais, alors là, mettez-lui les menottes. Hein, ah, bah, allez, venez. Alors, venez le chercher. La farine. Non, mais je vais vous donner la réponse. Bah non. Mais si, parce qu'il y a Combini derrière Adrien, donc il faut qu'on avance un petit peu. Il va tout simplement rejoindre une agence de talent pour le cinéma. Non. Le Cinoche. Ah, ça le savait, Daya. Et ça le savait. Attends, comment ça? Eh bien, le démocrate de 80 ans a signé avec la célèbre agence de talent Creative Artist Agency, CAA. CAA avait déjà représenté Joe Biden par le passé, à l'issue de son double mandat, mais il n'avait pas fait beaucoup de films, puisque aucun. Aucun, zéro, ouais. Le président Biden est l'une des voix les plus respectées, les plus influentes des États-Unis dans les affaires nationales et mondiales, a déclaré Richard Lovett, co-président de la CAA. Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent le représenter. Évidemment, et tu avais raison, Pio, c'était aussi dans une histoire de faire des conférences. Voilà, c'est ça. Mais c'est juste avoir un agent pour dealer des choses autour de sa personne. Cinéma. Mais on ne sait pas, il est CIA. Donc il pourrait faire du Cinoche. Obama il présente des documentaires écologiques. Voilà, il y a des il fait des choses, c'est pas des documentaires aussi effectivement. Oui, d'accord. Il a un agent artistique, mais bien sûr, non, je crois qu'il voulait faire du Cinoche, mais tu dis c'est un peu dans Fast and Furious, tu le voyais dans Fast and Furious évidemment. J'ai une dernière question pour vous, l'expérience américaine, est-ce que c'est un truc qui pourrait vous tenter? Peut-être juste comme ça, hein. Je parle pas d'une carrière forcément, mais est-ce que c'est quelque chose Ouais. Pas... C'est pas un rêve des années 90 un peu? J'ai l'impression. Moi, je serais plus de Japon. De plus en plus. Japon. Ouais. Ah. Ouais. Mais Corée aussi. Corée, c'est ouf en termes de cinéma Corée du Sud. En termes de kimchi aussi. Oui. Ouais. C'est vrai. Moi, je suis beaucoup dans la fermentation. Donc là, tu me parles. Moi, je serais plus Bollywood, quoi. Ouais. Ah oui. Donc là, demain, en fait, un réalisateur bollywoodien dit, moi, je suis chaud. Tu t'y vas, go. Ouais. Ah, ouais. Ah, génial. L'appel est lancé. On est très écoutés par les gens de Bollywood. Ouais, ouais, donc, vraiment, n'hésitez pas. Toi, Pio? Et, moi, je suis quelqu'un de curieux. Alors, ouais. À ce moment-là, à peu près tout et n'importe quoi m'intéresse. Bon, après, il faut quand même qu'on raconte quelque chose de plus ou moins intelligible, quand même. Un film d'arts martiaux, peut-être. Pourquoi? Savez, moi, je suis vraiment. Ah ouais, ça, j'adore. Si je pouvais un peu tataner un peu des individus que je ne connais pas. Mais non, je sais, peut-être, vraiment, pourquoi pas, mais c'est vraiment. En fait, c'est le projet. J'ai pas mal de choses à faire ici, non, j'ai l'impression. Ah bah, c'est clair. Jackie Chan. De plus en plus. Ouais, Rush Hour. Bonheur. Ouais. Ah ouais. Le paradis. Toujours dans le coup, hein. Blade. Rush Hour. Et ouais. Bah, de toute façon, c'est un podcast sponsorisé par Vidéo Future. On est très contents, on est tous ensemble. Cela dit, Vimala, t'as travaillé avec un Américain, je le rappelle, à savoir Bugs Bunny. Il y a quelques années. Ah oui, puisque tu as présenté sa cartoon il y a des années. Avec Philippe Dana. Et oui, voilà. Un Américain aussi. Donc tu fais partie de sa tribu. la tribu de Philippe Dana. Ouais. Ouais. Eh ben oui. Eh ben oui. Oh là là. Bah, c'est pas qu'on est pas obligé de rire en fait. On peut juste trouver ça chouette. Non, non, non, ou les deux. Non, mais on peut trouver ça. C'est choquant. Moitié drôle, moitié méchant. Mais je me rappelle plus que t'avais fait ça. Si, si, si, si, à 12 ans. Ah oui, toute jeune. Ouais. Toute jeune. Chers amis, c'est bientôt la fin de cette émission. Et avant de se séparer, j'ai la traditionnelle question, puisque on fait les recommandations culturelles. Donc, si vous avez aimé un truc artistique, peu importe quoi, pas forcément un truc qui est sorti même récemment, ça peut être un film des années 50 ou une pièce de théâtre que vous avez découvert récemment, ça peut être. Ouais, qui vous a plu, ça peut être aussi des séries, ça peut être des livres, ça peut être de la musique, ça peut être. Franchement, peu importe, juste quelque chose que vous avez kiffé, apprécié et que vous avez envie de partager avec les gens. Et je vais commencer par Adrien. Alors, moi, c'est une série qui s'appelle Somebody Somewhere. Okay. Et bon, alors c'est ce genre de truc qui est assez compliqué à pitcher parce que y a pas vraiment de concept, c'est vraiment juste un truc assez intimiste qui raconte la vie chronique, de gens. Un peu chronique, comme on dit. Peut-être, j'ai pas le terme. non, mais en gros, le pitch de départ, c'est une meuf qui a la quarantaine, qui est un peu perdue dans sa vie, et quand la série commence. Ça fait un an qu'elle est retournée dans sa ville natale auprès d'une de ses sœurs et de ses parents pour s'occuper en fait, sa sœur est morte d'un cancer il y a un an, et donc elle est retournée pour s'occuper de gérer l'après-décès, etc. Et on la chope un an après. Oui. Ouais, je suis avec toi. Hein, ouais. J'essaie de me faire un espèce d'imagerie mentale. Ce qui serait se construit pas progressivement. Le pitch de l'attachement. Ce serait donc un remake. Non, non, et donc bah, c'est juste l'histoire de la vie de cette meuf qui est un peu perdue dans sa vie, qui est dans une petite ville qui s'appelle Manhattan au Kansas. Et donc c'est vraiment juste des tranches de vie, c'est très proche ça, des ça gens. Ça existe en ce moment. Ouais, il y a okay. 3 saisons. C'est sur Max, donc si vous avez canal, ouais, des trucs comme voilà, ça. Voilà, sur ma canal, ouais. Regarde ça. Et c'est très, c'est vraiment très très très touchant, très bien écrit, très bien joué surtout. Et c'est vraiment juste, il n'y a pas juste à dire, c'est des tranches de vie de gens, de voilà, et c'est hyper beau, touchant, et il y a beaucoup de scènes très touchantes autour du chant, parce qu'en fait c'est une meuf qui chantait quand elle était jeune et qui a arrêté et qui se remet un peu à chanter parce qu'il y a une chorale locale et tout. Et donc il y a beaucoup de scènes extrêmement touchantes autour du chant, ce qui n'est pas forcément un truc qui m'intéresse spécialement, mais là dans la série ça fait mouche. Somebody Somewhere. Qui est en fait vraiment un bon résumé du truc, parce que c'est vraiment juste quelqu'un quelque part, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est une très très très très belle série que je regarde en ce moment, et très je bien. Vous recommande et fortement. Bien. Très bien. Si vous aimez chialer, votre ex. Vimala. Un film que j'ai vu hier soir, Foot Fist Way, avec Danny McBride. Chef-d'œuvre. Je pense qu'il faut que tu vois ça immédiatement, Pio. Bien sûr. Donc c'est un prof de taekwondo. Donc complètement nul, donc qui frappe aussi des enfants dans les cours. Bien sûr. Sa femme Attends, le trompe. Tu m'en parles tout à l'heure. Fist Way. C'est hilarant. Donc Danny McBride, en général second couteau dans les films de Judd Apatow. Ouais. Donc du niveau de débilité, d'appropriation culturelle, c'est catastrophique. Et ça m'a rappelé Michel Noël, mon prof de karaté, Shotokan, qui te s'est passé comme ça quand tu faisais des abdos, des gamins de 8 ans dont je faisais partie et qui fait. Il te tape dans les abdos. Il te met des balayettes, tu tombes et tout. Eh, t'étais pas prêt. Donc j'ai adoré ce film. C'est un vrai chef-d'œuvre. Ouais, t'es chez nous, là, on adore. Tu peux pas tomber. Tu peux aussi mater Observe and Report, qui est le film du même réalisateur Jody Hill, qu'il a fait avec Seth Rogen. Oui. Sur un agent de sécu d'un centre commercial. Et pareil, que je trouve, si t'as aimé Foot Fist Way, c'est génial aussi. En fait, vraiment, c'est féministe ce film. Ouais. Non, mais en vrai, il raconte que des types toxiques complètement débiles, virils et tout. Ouais. Avec le recul, en fait, c'est. Enfin, bon, bref. Ah, et c'est très drôle en plus. On va pas dire les mots sororité, patriarcat. Mais ouais, mais c'est vraiment bien. Et Jody Hill, qui avait aussi la série Kenny Powers. T'as dit quoi Observe and Report. Observe. Mais Hot Rod, c'est lui aussi. Non, ça c'est la team Andy Samberg. Mais le réel. Non, c'est pas lui. Ouais, je te le jure, sur ma vie. Ok, Pio. Tout de suite. Un film que j'ai découvert au Festival des Arcs, qui a gagné d'ailleurs le Grand Prix, qui s'appelle Niqab. Je n'ai malheureusement Niqab, qui raconte l'histoire d'un groupe de hip-hop. Oh oui, on qui a rap, parlé. Ouais, qui c'est génial. Rap en gaélique. Quand j'ai vu le pitch, je me suis dit, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, ah bon, qu'est-ce que ça va être ce truc? Je vous jure que c'est absolument dingue. Ouais. Il y a une énergie, enfin, je veux dire, c'est, après, ça parle de tout. C'est hyper bien réalisé. C'est un premier long métrage. Ouais. Et vraiment, il va sortir cette année. Là, je sais plus quelle boîte de distrib a eu les droits. Mais en tout cas, vraiment, quand il sortira, allez-y. Vraiment, ouais. Handicap, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup d'œil. Mon ami Sébastien Vanitschek, avec qui j'ai fait Vermine, m'en a beaucoup parlé. Il m'a dit que c'était vraiment, ouais, vraiment très, réussi, très, très, très, très, très bien. Nickel. Ouais, nickel. Ouais. Super. Eh bien moi, on va croire que je fais la promo, mais je l'ai jamais fait. Mais ma recommandation culturelle, c'est vraiment l'attachement. C'est, oh, j'ai là adoré. Bah, ça le suceur. Ouais, on dirait un truc de suceur. Non mais bien sûr, bien sûr. Et vous savez quoi? Why not? Mais vraiment, non, vraiment. Non, et je rigole. Hein. Et de toute façon, les auditeurs l'entendent quand je suis moins fan du film. Mm. J'ai vraiment adoré. Vraiment, j'ai gentil, beaucoup aimé. C'est... En fait, après attention, c'est totalement ma cam. C'est-à-dire que c'est, tu parlais un peu de tranche de vie, c'est vraiment ça. C'est des comédiens qui sont exceptionnels parce qu'il y a, vous deux, il y a aussi Valérie Bruni Tedeschi. Ah, j'y arrive jamais, putain. Valérie Bruni Tedeschi. Il y a aussi Raphaël Quenard avec une moustache. S'il vous en faut plus pour y aller. Et moi aussi, bon, avec une moustache. Ouais. Ouais. Très léger du V. Ouais. Mais oui. Tellement élégant. Et qui t'offre une prestance en plus que t'as déjà, hein, mais alors là ça rajoute. Faux raccord, elle s'épine. Quand tu réfléchis, tu la fais un peu tourner comme ça, c'est très sympa. Non, c'est tu très sympa. Tout tranquillos avec tes petites miettes d'écolier. Tranquillos. Non, j'ai aimé parce qu'on en a parlé un tout petit peu. Oui. Il y a un petit oui de. Oui, t'as raison, un peu de bon. Non, mais. Le pitch de départ peut paraître extrêmement badant parce qu'effectivement, c'est une mère de famille qui décède au moment de l'accouchement. Ce qui est beau, c'est que justement comment les gens se construisent, se reconstruisent, comment ils échangent. C'est là où le personnage d'ailleurs de Valérie Bruni Tedeschi est aussi incroyable parce que c'est, j'ai adoré l'arc en fait de ce personnage. Je vais pas en dire trop, mais d'habitude on a des trucs un peu clichés, des choses qui se passent, et là justement je trouve que ça les évite. C'est très beau. C'est pas non plus larmoyant. C'est-à-dire qu'il y a des moments plutôt, alors pas drôles, c'est pas Observer une Report, mais qui je trouve plus léger. Et voilà, donc moi j'ai été conquis par ce film, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, c'est très émouvant, c'est très beau, ça fait plaisir, c'est voilà, c'est tout ce que j'aime. Voilà, moi j'ai grandi avec les films de Claude Sautet, donc c'est complètement des trucs qui me parlent beaucoup, et je vous le conseille, ça s'appelle L'Attachement, c'est au cinéma ce mercredi, et n'hésitez pas à aller le voir. J'aimerais saluer le film de Ariane Labed qui va sortir le 19 février aussi, okay. Qui s'appelle September Seas. Ok. Le deuxième mot, je t'avoue que je l'ai pas. J'ai le mois si tu veux, mais le... Septembre 10, septembre, ouais, 16. September 16, ok. Ouais, c'est hyper bien. Ok, super. C'est son premier long. Et voilà, donc s'il y a de la carte UGC, pâté et tout, vous faites des doubles les programmes, doubles, ouais. Vous n'hésitez pas. Voilà, ça fait plaisir. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait trop plaisir de vous recevoir. Ouais. Ouais. Adrien, ça écrit toujours. Oui, oui. Ça bien bosse sûr. Sur des trucs. Bien sûr, bien sûr. Tranquille, dans le Cali. Tranquille. Pio, il y a d'autres films qui arrivent après. Oui, dans le futur, dans le Turfu. Hein, ouais. Mais plus, là, oui, une série que j'ai fait, mais de bagarres. Beaucoup de bagarres. Ah, ouais, c'est les bagarres, c'est les coups de poing. C'est la chaleur aussi, hein, c'est le ça se passe dans le passé, d'accord, mais ça sort dans le Turfu, boum, quand même pas passé drudesque, on est quand même non c'est plus de l'alliance, ça s'appelle Nero, ça va être quelque chose, ça tu nous le laisses, attention les bagarres de druides, c'est un jour problème, un jour on a une option sur toi en druide, on arrivera un jour avec ça, tiens-toi prêt, on est prêt. Vimala, donc t'as un spectacle, tu disais, à l'Odéon, spectacle en octobre, Bertrand Mandico qui refait un film, ouais, t'es dans un film avec Ramzi Bedia aussi, j'ai vu. Ça dans pas longtemps. Dans le 9 avril, ouais, le film c'est de Baya Kassmi, Mikado. Qui avait fait l'excellent dans lequel tu étais déjà, Youssef Salem, ouais, a du succès. C'est hyper bien. Super film. Super et film. Ouais, ouais, on se suit depuis longtemps avec Baya. Ouais. Et un film belge qui va sortir avec Benoît Hamon. D'accord. Et Joe Biden. Ah bah tu vois, Benoît, ouais, est-ce qu'il est chez CIA, Benoît Hamon? On va lui demander. Bah, et Johan Zimmer, un film super beau aussi sur le cancer. Trop bien. Et au plaisir. Genre, un pattern. Sur l'affiche, il y aura écrit bon délire, bon d'elle. Bon bah trop bien. Et puis. Ah, bah, ah ouais, non. Oh là, oh là, elle a fait spoiler. Oh là là, oh là là, chut. Ils font le prochain Spider-Man. On fait le film de Pierre Salvadori ensemble. Que nous allons commencer à tourner au mois de mai. Oh, attention, ça va être fan quelque chose de sauvage, ça. Oh, ça va être. Et puis ça joue à Prince of Pierre Tchernia sur Twitch aussi. Sur Twitch, évidemment, sa game. Non, et alors moi j'en profite parce que ça, on a eu l'annonce il n'y a pas longtemps. Alors il y a toujours Nous les Leroy sur Canal. N'hésitez pas. Et Vermine. Que j'ai écrit avec, réalisé par Sébastien Vanitschek, que j'ai co-écrit avec Sébastien, qui l'a réalisé, arrive sur Netflix. Ça y est, qui est passé au Cinoche la dernière fois. Ouais. Netflix, c'était la première fenêtre de Div, donc c'est un peu plus long que Canal, mais ça y est, ça arrive là en mars, et vous pourrez le mater chez vous tranquillement, film d'horreur, des araignées, un immeuble, Vermine sur Netflix, mais on va sur Canal, et voilà, c'est déjà, hey, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, voilà. Mais... Bon, merci tout le monde, salut, merci à vous les cocos, au plaisir de se recroiser. Bye. Bon bisous. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.